À l'endroit où les fleuves se jettent dans la mer, il se forme une barre difficile à franchir et de grands remous écumeux où dansent les épaves. Entre la nuit du dehors et la lumière de la lampe, les souvenirs refluaient de l'obscurité, se heurtaient à la clarté et tantôt immergés, tantôt apparents, montraient leur ventre blanc et leur dos argenté. Il y a du soleil dans la rue, moi j'aime le soleil, mais j'aime pas les gens, et je reste caché tout le temps, à l'abri des volets d'acier noir. Il y a du soleil dans la rue, moi j'aime bien la rue, mais quand elle s'endort, et j'attends que le jour soit mort, et je vais rêver sur les trottoirs. Et le soleil de l'autre côté du monde danse une valse blonde avec la terre ronde, ronde, ronde, ronde. Le soleil rayonnant comme un faune danse une valse jaune pour ceux de l'autre ciel. Moi, j'ai la nuit dans ma poche et la lune qui accroche de l'ombre au coin des toits. Je vois tous les songes qui volent en lente banderole et se perdent là-bas. Le soleil fait le tour de la terre et revient sans s'en faire. Et la rue se remplit de travail et de bruit. Alors, c'est là que je me méfie. Car il y a du travail dans la vie. Moi, j'aime pas le travail, mais j'aime bien la vie. Et je vais voir de quoi elle a l'air en faisant gaffe de pas trop en faire. Il y en a qui comprennent pas la vie. 6 heures du matin, ils sont déjà levés. Ça fait vraiment un drôle d'effet, ça dégoûte presque autant que la pluie. Mais le soleil de l'autre côté du monde danse une valse blonde avec la terre ronde, ronde, ronde, ronde. Le soleil rayonnant comme un faune danse une valse jaune ceux de l'autre ciel. Mais moi, j'ai la nuit dans ma poche et la lune qui accroche de l'ombre au coin des toits. Je vois tous les songes qui volent en lente banderole et se perdent là-bas. Et le soleil fait le tour de la terre et revient sans s'en faire. Et la rue se remplit de travail et de bruit. Alors, moi je me mets au lit.